On chasse le loot, la chasse est lancée. Les caisses tombent, faut pas rater. Les viewers en alerte, le chat s'emballe. Rider qui l'assure, jamais ne s'emballe. Drop rapide, faut foncer. Les ennemis guettent, faut pas traîner. La tension monte, le jeu est rude. Mais moi je gère avec habitude. Loot Hunter S, en tant qu'on fait le show. Sur Twitch, c'est Redis qui est le héros. La chasse continue, le loot est roi. Reste en live, on ne lâche pas. Les balles fusent, les cris résonnent. Mais Redis qui mène, jamais ne détonne. Les viewers hurlent, la hype est là. Drop après drop, on ne faiblit pas. Hunter S, en tant qu'on fait le show. Sur Twitch, c'est Redis qui est le héros. La chasse continue, le loot est roi. Reste en live, on ne lâche pas. La nuit est longue, la chasse aussi. Riders qui les presse, c'est parti. La nuit est longue, la chasse aussi. Riders qui les presse, c'est parti. Loot Hunter, sans t'amour, fais le show. Sur Twitch, c'est Riders qui le héros. La chasse continue, le